Mireille Kanyang. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Voici les grands titres de cette édition. Les opérateurs économiques burundais ayant bénéficié des devises pour importer le carburant mais qui ne se sont pas exécutés verront leurs biens saisis, annonce le président burundais ce vendredi dans une émission publique en province Changuzo. Il faut absolument réformer le ministère burundais de l'énergie et mines, n'est pas existé, signe le président de l'Assemblée nationale ce jeudi au regard du rapport de la Cour des comptes sur 4 exercices budgétaires ayant constaté des manquements. Des citadins craignent la hausse du prix du sucre suite à un partenariat en vue entre la société sucrière de Mososumo et la société Salai Group basée à Kampala en Ouganda. Les précisions, c'est dans cette édition mise en onde par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale demande au gestionnaire du gouvernement de réformer le ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. Pour lui, il est impossible qu'un ministère puisse fonctionner normalement sans manuel de procédure et des dossiers des marchés publics qui n'ont pas de procès-verbaux d'ouverture et des procès-verbaux des réunions du ministère et des services. Lors des questions orales sur le rapport d'audit de la capacité de gestion budgétaire, réalisé par la Cour des comptes pendant la période au cours de 2019 à 2023, les députés demandent la restructuration de ce ministère pour permettre son bon fonctionnement, éviter des chevauchements entre ses services. Le point avec Placide Niomungere. Son ministère que le président de l'Assemblée nationale trouve presque inexistant, c'est celui de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. Selon la commission permanente en charge des comptes publics et des finances au niveau de l'Assemblée nationale, le rapport d'audit sur les capacités de gestion budgétaire réalisé par la Cour des comptes au niveau de l'administration centrale du ministère de l'Énergie et des Mines pour la période allant de 2019 à 2023 révèle des manquements au niveau de l'environnement de contrôle, tels que le manque de manuel de procédure et de la déontologie éthique, en plus des manquements liés aux activités de contrôle, comme l'a précisé le président de la commission. Il a été constaté que certains membres du personnel n'ont pas de dossier administratif et ont des dossiers incomplets. Pour ce qui est de l'exécution des dépenses des biens et services, les principaux constats sont la grande majorité des dossiers des marchés publics ne disposent pas de procès-verbaux d'ouverture et d'analyse des offres ainsi que ceux de réception. Les dossiers des ressources humaines sont gérés dans des services différents. L'existence de chevauchements entre les missions de l'inspection générale. Il est observé que les réunions que le ministère et ses services organisent en matière de gestion budgétaire et comptable ne sont pas matérialisées par des procès-verbaux. Pour le président de l'Assemblée nationale, vu ces manquements, c'est impossible que le ministère fonctionne normalement vu cette situation qui s'empire. Le député Simon Bizimungu s'interroge si le ministère en soi reconnaît au moins le contenu de ce rapport d'audit de la Cour des comptes. Selon lui, par ces manquements, il est lisible que les difficultés qui hantent la population en rapport avec le manque d'eau, de l'électricité et du carburant tirent source de ce dysfonctionnement. Par cette situation, les députés Saouda Mboneko et Olivier Suguru reviennent pour remettre en doute le pouvoir de décision et de contrôle que dispose le ministre de l'Hydraulique pour contrôler les entités administratives sous sa tutelle. Face à cette situation révélée par la Cour des comptes, la Chambre basse du Parlement burundais recommande la réforme de ce ministère de l'hydraulique, énergie et mines pour limiter le chevauchement entre les services déconcentrés et le risque d'impasse. En plus, l'Assemblée nationale suggère au ministère de l'énergie et mines de tenir dans l'urgence des états généraux pour aligner ses fonctionnaires vis-à-vis des missions leur assignées, ce que le ministre Ibrahim Ouizeye accueille favorablement et promet d'organiser dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Attentionnée par cette situation, l'Assemblée nationale du Burundi précise qu'elle va également saisir la Cour des comptes pour réaliser un autre audit au sein de ce ministère afin d'établir la responsabilité de tous ses fonctionnaires dans ce dysfonctionnement et évaluer aussi la tendance au changement. Placide Niomungere, émission publique ce vendredi au chef-lieu de la province Changuzo et animée par le chef de l'État burundais. Eh bien, il a collé le problème de pénurie répétitive du carburant à des opérateurs économiques privés. Il explique qu'ils n'ont pas importé les produits stratégiques alors qu'ils ont bénéficié de devises toutefois. Évariste Ndayishimiye rassure les Burundais qu'une société publique spéciale pour le carburant est en cours de création pour pallier ce problème. Il annonce en outre que le gouvernement va passer à la saisie des biens des opérateurs impliqués dans un délai qu'il n'a pas précisé. Suivez-le dans cette traduction française. Française d'Alain Désiré Boukénez. Je tiens à vous informer qu'à titre d'exemple, jusqu'ici, nous avons recensé 48 millions de dollars octroyés pour les importations depuis 2019 jusqu'en 2021. Mais les opérateurs bénéficiaires n'ont rien importé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vidé les caisses de l'État et pour les remplir de nouveau, les quelques devises collectées doivent couvrir les quantités minimes. Si ces personnes se décidaient à les rembourser, cette somme pourrait couvrir les réserves de change d'un mois et demi en produits pétroliers. Donc, que vous ne continuez pas à dire que le problème du carburant est celui du gouvernement, mais plutôt celui des personnes qui ont voulu vider les devises dans les caisses de l'État. Pour avoir de nouveau les réserves de change suffisantes, il va falloir beaucoup de temps, car les quelques devises qui rentrent dans les caisses sont utilisées pour l'achat des fertilisants, médicaments et du carburant. Dans ce cas, on n'importe quelle quantité de carburant. C'est pourquoi, si nous importons du carburant pour 2 semaines, recherchons d'autres devises pour couvrir les 2 autres semaines qui restent. Nous voulons créer une société publique spéciale pour le carburant, laquelle servira toutes les autres sociétés pétrolières. Nous voyons que l'organisation avance de façon que nous puissions bénéficier d'un prêt. Mais vous savez que pour y arriver, on doit démontrer au préalable qu'il y a une bonne organisation. Nous sommes à l'œuvre et je peux vous rassurer car, comme vous le savez auparavant, les opérateurs privés importaient les quantités qu'ils voulaient et pouvaient suspendre l'importation. Nous avons d'abord recensé les opérateurs. C'est une tâche difficile. On se rend d'abord à la Banque centrale, puis à l'Office burundais des recettes pour vérifier tous les produits importés et leur valeur pour constater les reliquats. Ensuite, il est interdit d'interpeller une personne sans enquête préalable. Je vous avise que vous verrez prochainement des saisies des biens pour certaines personnes. Il n'y a pas d'autre choix car emprisonner une personne n'est pas primordial. Quant aux grognes de certains politiques qui n'ont pas été associés dans la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dit ne pas comprendre ces lamentations. Tous les partis politiques ne peuvent pas être représentés à la CENI, a-t-il déclaré, pour ce qui est de la hausse de la caution. Cette décision a été prise pour limiter l'effectif des candidats au présidentiel. Le point avec Jean-Marie Vianney Ndakoumane. Le président de la République du Burundi indique que les responsables des partis politiques qui se lamentent comme quoi ils n'ont pas été concertés pour la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante CENI sont ceux qui voulaient être membres de cette commission. Évariste Ndayishimiye trouve la CENI inclusive. Au Burundi, nous sommes gangrénés par des aspirations vers des postes politiques. Pensez-vous que ceux qui se lamentent le font pour cause de ces membres de la CENI? Tenez, quand on intégrera un responsable d'un parti politique qui se dit oublié, il dira que la commission est bien organisée. Le Burundi est fait de 12 millions d'habitants et la commission est faite de 7 personnes. Elle comprend des indépendants et ceux qui proviennent des partis politiques. Si nous avons 47 partis politiques, peut-on constituer un organe de 47 membres? Concernant la caution qui a été revue à la hausse pour les candidats présidentiels, Évariste Ndayishimiye a répondu que cette décision a été prise pour limiter l'effectif des candidats au poste du président de la République. La question raisonnable est celle relative à la caution revue à la hausse. Mais pensez-vous combien de fonds emporte la confection de 100 bulletins de vote? Et si l'on pourrait laisser tout le monde se faire élire, combien coûteraient les bulletins de vote en termes de millions? Et voilà des lamentations des gens qui n'ont même pas l'objectif d'opposer leur candidature. La caution est donc exigée en vue de permettre à des gens qui sont effectivement crédibles envers les citoyens. La caution qui donne l'accès de se faire élire au poste du président de la République est passée de 30 millions à 100 millions de francs bouts. Évariste Ndayishimiye exhorte ceux qui disent que ces montants sont exorbitants de commencer à collecter les contributions à leurs fidèles afin de se préparer en conséquence pour les futures élections. Jean-Marie Vianney Ngendakumana, le président de la République, en outre, a indiqué que les auteurs des images faisant état des militaires à Burundi capturés en République démocratique du Congo le font comme une astuce utilisée par des gens en guerre. Le président trouve que les Burundais ne devraient pas donner beaucoup d'attention à de telles informations, que l'armée a eu sa propre régulation. Évariste Ndayishimiye admet que malgré le retrait des forces de la communauté est-africaine dans ce pays, des militaires burundais déployés dans le cadre bilatérales y sont restés. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 18h10 dans le studio de la radio Isanganiro. Certains habitants de la mairie de Bujumbura s'inquiètent du partenariat de la société sucrière de Mosso avec une société étrangère. Selon eux, cela va causer la hausse du prix de ce produit de première nécessité. Ils se sont exprimés au moment où le partenariat entre la Sosumo et Salai Group est en cours de préparation. Ils demandent au gouvernement d'investir beaucoup plus dans la société sucrière de Mosso afin d'augmenter la production. Suivez ce micro-baladeur. En tant que Burundais, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont en train de préparer la mise en place d'un partenariat entre la Sosumo et Sarai Group, qu'ils pensent d'abord aux intérêts de la population burundaise. Il faut une procédure systématique qui vise surtout à l'intérêt de la population. Au moment où la Sosumo seule produit le sucre, chacun reçoit sa part. Mais si on accepte le partenariat avec une société étrangère, c'est compréhensible qu'on doit revoir à la hausse le prix du sucre. Dans ce cas, ce sera encore plus difficile d'avoir facilement ce produit de première nécessité. Qu'ils cherchent des experts qui font des analyses afin de voir si la population et la Sosumo en soi vont gagner. Si ce n'est pas le cas, que le gouvernement laisse de côté ce partenariat et investisse beaucoup afin de relever les capitaux de la Sosumo. Au moment où j'entendais parler du partenariat entre la Sosumo et la société ougandaise Sarai Group, la première idée qui m'est venue, c'est la hausse des prix de sucre. Ce produit manque sur le marché alors qu'il est produit localement. Alors, qu'en est-il lorsqu'il sera produit par la société étrangère? Avant de chercher un appui ou des renforts, l'État devrait d'abord essayer de relever les capitaux et chercher le partenariat après. Je ne pense pas qu'il y aurait une valeur ajoutée. Plutôt, c'est la population qui va en souffrir, puisque ça demandera beaucoup de devises alors qu'on en manque dans notre pays. À mon avis, si la dite société fonctionne à la normale et que le sucre soit produit en abondance sans augmenter le prix, ça sera un grand pas. Mais revenons sur le partenariat entre la Sosumo et cette société ougandaise. Est-ce que le Burundi est incapable de restaurer la société sucrière de Mosso afin qu'elle puisse produire suffisamment? Si le gouvernement accepte ce partenariat, cette société ne visera autre qu'un taux élevé d'intérêt. Dans ce cas, c'est la population burundaise qui va subir des conséquences. Le prix d'un kilo du sucre pourra être revu à la hausse jusqu'à même à 5 000 francs burundais. Nous vivons une vie précaire. Nous demandons au gouvernement de prendre la décision avec précaution. Parlons droits de l'homme. À présent, plus de 130 détenus, dont à peu près 40, dont leurs dossiers ont été clôturés, étaient ce jeudi incarcérés au cachot du commissariat provincial de Makamba, alors que sa capacité d'accueil est de 30 personnes. Les procureurs de la République à Makamba avancent que certains détenus ne sont pas transférés à la prison centrale de Lumonge suite à la pénurie de carburant et un manque de véhicules. Le directeur de la planification et des statistiques au ministère de la Justice leur demande de collaborer avec l'administration. Ceci a été dit ce jeudi au cours d'un atelier de moralisation à l'endroit des agents de la justice pour trois provinces du sud du pays. Le point avec Élisée Kouizer. Au cours de l'atelier de ce jeudi, à l'endroit des agents de la justice des provinces de Makamba, Bururi et Rutana, le procureur général est prêt. La cour d'appel de Makamba, Eric Estache Savimana, a indiqué que l'occasion du commissariat provincial de Makamba compte 137 détenus. Au moment où, selon les informations véhiculées sur les réseaux sociaux, à partir du 26 de ce mois courant, plus de 140 personnes sont incarcérées dans ce cachot et que leurs conditions de vie sont pénibles, le procureur général et le procureur provincial disent que ces informations ne sont pas fondées. Cependant, ils avouent que ce cachot du commissariat provincial est souvent surpeuplé. Claver Sauchimike fait savoir qu'il y a à peu près 40 parmi les détenus qui ne sont pas encore transférés à la prison centrale de Lumonge, faute du carburant et des véhicules. Il raconte qu'il vient de passer 3 semaines en attente du carburant, mais en vain. Venana Kimasi, le directeur de la planification et des statistiques au ministère de la Justice, demande à ses procureurs de collaborer avec l'administration pour le respect des délais des détenus à cette maison de détention. Signalons que ce même jeudi, 39 prisonniers, dont un ayant terminé le même jour la sanction incarcérale qui lui avait été infligée, ont été libérés afin de réduire cet effectif. Depuis Makamba, Élisée Kouizera, Radio Isanganiro. De Makamba au sud du Burundi, rendons-nous en province Ngozi, c'est au nord du Burundi pour parler culture. Le site touristique dit Agasaka Kainarunyonga, situé tout près du gouvernorat de Ngozi, n'est pas très visité alors qu'il a une bonne histoire sur cette province. El Menegilde Siga Hurahura, un sage de cette province, parle des décès pour tous ceux qui ont tenté de le déraciner, demande à l'administration plus d'efforts pour que ce site soit visité. Les détails avec Apollinaire Muzagar. Ce site touristique dit Agasaka Inarunyonga est un arbre de type ficus qui aurait poussé là où on aurait enterré la femme dite Inarunyonga. Dès lors, des tentatives de le déraciner ont eu lieu, mais tous ceux qui ont participé dans cette tentative de sa disparition sont décédés aussitôt après, comme l'indique un sage de cette province. C'est un arbre qui part d'une légende, la légende de Inarunyonga, et qui entre dans l'histoire et enfin qui a un domicile situé au chef-lieu de la province Ngozi. L'arbre en ficus du nom de Umuhororo est avant toute réhabilitation. On l'a coupé, on a déraciné tout ce qu'il y avait et on ne parlait plus de cet arbre. Mais malheureusement, le premier qui a osé couper cet arbre, la nuit venue, il est mort. Les 3 autres qui l'ont aidé sont morts dans les 3 mois qui ont suivi. Le manager de Sigaourahou, malgré son histoire, son site n'est pas fréquenté, son septuagénaire conseille à l'administration plus d'efforts afin qu'il soit à visite. Actuellement, le lieu dit Kugasaka Kainarunyonga, on voit un monument où est l'emblème de la province Ngozi. Et cet emblème porte une carte du Burundi avec un caféier, avec des cerises de café vertes et mûres pour signifier que la province de Ngozi donnait 80% des recettes en devises à cette époque. Ce devrait être visité par l'encouragement de l'administration provinciale et communale de Ngozi parce que vous voyez que c'est un lieu où il y a plusieurs monuments. C'est au moment où le ministère en charge de la culture inventorie ce vendredi les sites touristiques de cette province. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganiro.